Hey, salut les copains. Là, je vais essayer un nouveau truc ça a l'air. Là, je sais pas trop comment ça va aller là, parce que mes projets habituellement ils durent genre 3 mois puis après ça je passe à autre chose. Fait que je sais pas trop comment ce projet-là il va aller. Mais bon, on va essayer. Qu'est-ce que ça coûte? Je me suis dit que j'essayerais de faire un format podcast. Sans caméra. Ouais, parce que pour ceux qui sont pas encore au courant, j'ai eu une petite phase. Une petite phase qui est peut-être pas finie d'ailleurs. Mais en tout cas, une phase. Une phase vidéo YouTube. Je vais peut-être en refaire, là, je suis pas sûr encore. En tout cas. Fait que là, je me suis dit, hey. Oh, une caméra, faire du montage, blablabla, c'est long. Fait que pourquoi pas essayer le podcast, putain. Je parle pendant 1 heure. Comme ça, je vous dérange plus avec ça, je suis plus dérangé avec ça. Fait que j'ai pensé. Tout d'abord, je vais vous souhaiter la bienvenue. Hein, c'est ce qu'on fait dans un podcast. Donc, bienvenue, cher public, que je sens qui va être. En expansion proportionnelle à l'intérêt qu'on me porte habituellement, c'est-à-dire extraponentiel. Bon, fait que j'ai décidé de donner un nom assez représentatif de ce que va être le podcast. J'ai décidé d'appeler ça En plein milieu. En plein milieu. Dans le sens de en plein milieu de ta semaine, en plein milieu de tes affaires. Fait que le concept assez simple. Je vais poster à chaque mercredi matin, je vais poster un fichier audio sur SoundCloud. Je vais poster ça sur mon Facebook. Fait que toi, tu vas sur SoundCloud, tu cliques sur Download, le fichier, ça va être un fichier MP3. Puis là, tu colles ça dans ton téléphone ou dans ton lecteur MP3. Genre, ouais, bonjour, t'es en 2001 encore, je sais pas trop. En tout cas, bref. Tu mets dans un appareil de lecture quelconque. Puis là, tu m'écoutes parler pendant 1 heure. Puis toi, t'as rien à faire là-dedans. C'est genre le meilleur scénario de discussion possible à notre époque. C'est-à-dire, toi, t'écoutes, puis t'as aucune responsabilité. T'as pas besoin de participer activement à la discussion. Et moi, de mon côté, je peux parler tout seul, en bon schizoïde que je suis. Schizoïde, tu connais ça, schizoïde? Schizoïde, c'est genre presque schizophrène. Ouais. Bref. Fait que c'est ça. Fait que t'écoutes ça dans whatever, t'écoutes ça dans le train. Dans le métro, dans le bus. Je te dirais que le meilleur endroit pour écouter ça, j'imagine, c'est le métro, parce que t'as pas de réseau la plupart du temps. Fait qu'au lieu d'écouter la même petite musique pendant 1 heure à tous les jours, ben le mercredi matin, youhou, t'as quelqu'un, tu peux participer à une discussion. Inutile. Ouais. Fait que, bon. Fait que j'ai quelques sujets que je voulais aborder. Mais avant de faire ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire un podcast. Parce que, tu sais, les podcasts, c'est vraiment. En fait, ça commence pas à être populaire. C'est déjà très, très populaire aux États-Unis, entre autres. Puis, c'est très populaire chez les auditeurs. Tu sais, il y a beaucoup de monde au Québec qui écoute des podcasts. Mais ça va être surtout tourné. Ça va surtout être des anglophones qui vont écouter ça. Des adultes anglophones qui vont écouter des podcasts américains, des trucs de même. Puis je sens qu'au Québec, ça commence là. Tu sais, il y a des vieux podcasts. Tu sais, je ne suis pas un connaisseur de podcasts québécois, là, je vais pas vous mentir. Je suis pas genre un fan fini. Mais je commence à comme explorer ça un peu. Puis je me suis dit, tant qu'à faire, je suis plus dans un. En ce moment, je suis plus dans une espèce de phase créative. Je sais pas si. Tu sais, il y a un moment dans la vie où est-ce que t'es tanné de juste comme écouter des affaires ou regarder des affaires, t'as le goût de comme faire de quoi, tu sais. Fait que là, je suis dans une phase, ben, ça fait longtemps que je suis dans cette phase-là, mais en ce moment, là, je vous cacherai rien. De toute façon, la plupart des gens qui me connaissent le savent, là. Je suis en ce moment sans emploi. Ben oui, toi, t'as une surprise. Fait que, tu sais, il faut que je m'occupe, là. Fait que, c'est ça. Donc, c'est que j'étais parti avec ça, moi. Moi, pourquoi un podcast? Fait que j'ai l'impression qu'en ce moment, le train du podcast, il est en train de partir de la gare, là, au Québec, là. Entre autres, il y a Mike Ward qui a parti un podcast, puis il mise beaucoup, tu sais, il en parle souvent. J'ai écouté plusieurs épisodes de son podcast, puis il en parle souvent, comme quoi il aimerait ça que les podcasts, ça démarre au Québec. Puis honnêtement, il en parle souvent, puis ses vidéos de podcast sur YouTube, ils ont de plus en plus de views. Il est à comme. Il frôle le 50 000 à chaque épisode. 50 000 views à chaque. Ouais. Fait que je me disais que le train, il part, là. Je pense qu'il est en train de partir. Fait que je me suis dit, aussi bien embarquer dedans. Puis je vous conseille d'embarquer dedans aussi, en tant que. Peu importe. Vous pouvez commencer votre podcast aussi ou juste écouter des podcasts. C'est vraiment comme. C'est le meilleur des deux mondes, honnêtement. T'as comme un épisode, un nouvel épisode de temps en temps, puis tu t'écoutes ça dans le bus, là, en allant travailler, puis ben chill. Ouais. Fait que voilà. Pourquoi j'ai décidé de partir un podcast. Ensuite, je vais vous expliquer un peu le format qui est sujet à changement, je suppose, mais en tout cas, le format que je pensais donner à ce podcast-là, je pensais faire comme une première partie sur des sujets que j'aurais fait comme une petite recherche préalable. Puis, ouais, je sais pas, peut-être je vais prendre une tangente au niveau des sujets, mais en tout cas, on verra, là. Pire, c'est pas. Puis une deuxième partie, ou est-ce que, ou peut-être juste la fin du podcast, là, je sais pas trop, on va voir comment ça va aller, on va voir combien de temps je suis rendu, à combien de temps je suis déjà, ouais, je suis déjà rendu à genre 8 minutes, en tout cas, ok, shit, ça va passer vite, je suis encore au début, en tout cas, bon, fait que, ouais, ce que j'ai. Ouais. Fait que là, une deuxième partie ou la fin du podcast, peu importe, que je dirais ce que j'ai écouté cette semaine, ou ce que j'ai vu en termes de film, ou en termes de musique, ou en termes de. Tu sais, dans ce style-là, là. De retour sur les activités culturelles que j'ai faites. Pendant la semaine, on va dire que c'est ça. Activité culturelle, c'est un peu pompeux, on va dire ce que j'ai fait au lieu de me masturber. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, l'horaire, j'en ai parlé. Donc chaque mercredi matin, je vais essayer de garder ça à environ 1 heure. Je me dis un trajet en bus à Montréal, puis à Québec, puis ouais, c'est pas mal comme 1 heure. Là, j'imagine qu'il y a des gens d'Abitibi, parce que oui, ceux qui me connaissent pas trop, je viens d'Abitibi, fait qu'il y a sûrement des gens d'Abitibi qui vont m'écouter. Là, eux autres, ça marche plus ou moins parce que leur trajet, c'est genre 5 minutes en auto. T'as genre fait 3 fois le tour de la ville, en tout cas. Mais bref, vous autres, je sais pas, je sais écouter ça avec votre verre de whisky. Dans votre maison, d'un bois, avec votre feu de foyer, puis votre chien, puis votre enfant de 5 ans, puis votre mari, c'est ça. Toute bonne famille d'Abitibi, c'est ça. Puis, ouais. Fait que, ouais, je vais commencer. Je vais commencer. Je vais commencer en me présentant, d'abord. Je m'appelle Hugo Cournoyer. Ça va être pertinent, je pense, même pour les gens qui me connaissent. Là. Parce que, tu sais, mettons, il y a des gens, je pense aux gens d'Abitibi d'ailleurs, tu sais, qui m'ont pas parlé là, pour les. Ça fait comme 12 ans. Là. Je suis parti d'Abitibi il y a 12 ans, à l'âge de 17 ans, à la fin de mon secondaire 5. Je suis parti un peu comme l'inverse de. C'est quoi l'inverse d'un cheveu dans la soupe? Donc, je suis parti un peu à la hâte, on va dire ça de même. J'étais comme hostie! Je calisse mon camp d'ici. Ce genre d'attitude. Puis c'est ça, puis les gens d'Abitibi, ils m'ont. Ils savent pas, là, je veux dire, ils m'ont vu partir, en fait, ils m'ont pas vu partir, mais, tu sais, ils savent pas, j'ai jamais discuté avec eux autres, là. Ils sont sur mon Facebook, puis j'imagine qu'ils voient des trucs que je pose de temps en temps, ils commentent pas, ils likent pas, on dirait qu'ils voient pas, fait que je sais pas trop, moi non plus, ce qu'ils font, tout ce que je sais, c'est que... Ils ont une maison à un étage, puis qu'ils font du skidoo. En tout cas. Fait que. Tu sais. Fait que moi, ce que j'ai fait ces derniers temps, j'ai. Ben, ces derniers temps. Ces 10 dernières années, mettons. On va partir vous le 10 ans. J'ai. Je me sens comme une date. C'est comme si j'avais une date, mais avec un micro. Pour ça, je vais fourrer. Quoi? Le micro. Allô, micro. Ah ouais. Ouais, j'ai étudié en cinéma au cégep. Et c'était le fun. Après ça, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'était le fun. Ensuite, j'étais à l'université. À l'UQAM. L'UQAM, le nid de tous les contestations populaires du Québec. L'UQAM que je considère un peu comme ma maison encore aujourd'hui. Tu sais, mettons, là je suis dans mon appart. Ouais, d'ailleurs, c'est vraiment un sketch, mon. Là, j'ai mon micro qui est plugué à mon ordi. Tu sais, te dire que. M'en faut, t'sais, il me faut pas grand-chose pour. Hein? Je suis un vrai petit guéluron de création, machin truc. Fait que. Ouais, mais c'est vraiment un sketch. Il a fallu que je débranche mon frigo. Parce que. Mais ça, je l'ai appris en faisant des vidéos sur YouTube. Quand je faisais des vidéos dans mon appart. Il fallait que je débranche le frigo parce que sinon ça sonnait dans le micro puis ça sonnait comme le cul. Fait qu'il fallait que je branche mon frigo. Fait que là, mon frigo il est débranché. Puis ça enregistre sur mon ordi. Là, je suis en train encore de perdre mon sujet. De quoi je parlais, là? Je parlais de quand je faisais des vidéos sur YouTube. Je parlais du cégep, d'université. L'université, c'est comme ma maison. Ah ouais, c'est ça. L'université, c'est comme ma maison. Fait qu'à chaque fois que je vais à l'université, à l'UQAM, Parce que oui, on peut entrer comme bon nous semble à l'UQAM, si vous le savez pas déjà. Tu peux aller t'asseoir, puis ben j'imagine que pour moi c'est un peu moins bizarre là. J'ai encore la je pourrais encore être étudiant, j'ai encore la le profil étudiant. C'est le fun parce que mettons moi je reste à Saint-Henri en ce moment. Saint-Henri dans l'ouest de l'île, ben pas de l'île mais dans l'ouest du métro mettons. Puis je sais pas si c'est comme une culture anglophone parce qu'il y a plus d'anglophones à Saint-Henri en tout cas plus que sur le plateau mettons mais je sais pas si c'est la culture anglophone ou si c'est parce que le monde à Saint-Henri sont vraiment très hip et vraiment très hip et genre trendy puis tous les gars ils ont des barbes fait que comme moi fait que on se ressemble tous mais mettons je me promène dans les rues à Saint-Henri je me sens vraiment pas comme spécial puis genre les filles ils me regardent pas vraiment puis je me sens pas comme désiré. Mais quand je vais à l'UQAM, par exemple, là, c'est une autre histoire. Là, genre, je sais pas si c'est parce qu'il y a une plus grande concentration de gens, fait que je me sens plus observé. J'ai l'impression que les filles veulent me manger tout cru, avec ma barbe et tout. Puis, justement, j'étais allé à l'UQAM hier, parce que, en tout cas, ça, c'est une autre histoire, là, que je vais peut-être raconter après, là, mais en tout cas, j'étais à l'UQAM, puis. Mettons, je rentre par la porte sur whatever, Maisonneuve et Saint-Denis, je pense. Puis là, Maisonneuve et Berry. Maisonneuve, en tout cas. Puis je rentre par là, puis là, j'avais comme mes bottillons en cuir. Puis là, il y a une fille. Qui était sur le bord de la porte, qui a parlé avec une autre fille. Puis là, comme j'arrive pour rentrer, je les passe, les deux filles qui sont sur le bord de la porte. Je les contourne pour entrer. Puis là, il y en a une qui se retourne. Je le vois parce que je le vois dans la porte est vitrée. Fait que ça fait un effet miroir un peu. Fait que je vois derrière moi, puis je vois qu'elle me regarde. Puis je vois qu'elle me reluque des pieds à la tête, puis elle s'arrête sur mes bottes, mes bottillons. Puis là, elle les reluque, en tout cas. Fait que je me sens regardé quand je vais à l'UQAM. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, là. Je veux dire, ça booste un peu ma confiance en moi-même. Bien qu'elle n'a pas vraiment besoin d'être boostée. En tout cas, je me sens revigoré. Mais au-delà de ça, l'UQAM. Je sais pas, il y a comme une espèce d'énergie qui va bien au-delà de tout l'aspect contestataire, là. Une espèce d'énergie à l'UQAM qui fait que je me sens bien, tu sais, je sais pas, je me sens à ma place, un peu, entre guillemets. Parce que, ouais, moi, j'ai fait toutes les écoles, quasiment, parce que j'ai fait un bac par cumul de certificats. J'ai fait trois certificats dans trois écoles. Totalement, ben pas totalement, mais quand même différente, là. J'ai fait mon premier bac en scénarisation, mon premier certificat en scénarisation, ce qui était dans la faculté de littérature. Ensuite, j'étais allé en psycho pour ça, c'est en sciences humaines. Puis ensuite, j'étais allé en marketing. Ça, c'est l'école de la science de la gestion, connue sous le nom de ESG. ESG qui est très administration, affaires, les shit de même. Comptabilité, ressources humaines. Ouais, fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que tu sais, j'ai connu autant t'sais, le côté plus contestataire, mettons en littérature. Ça, c'est plus comme des artistes. Fait que c'était plus comme intense de gauche, tout ça. Puis j'ai été à l'ESG, que là, c'était beaucoup plus ben, de droite déjà, mais aussi avec des garçons pas très fut-fut. On va le dire de même. Des garçons pas très fut-fut. Tu sais, le genre de gars qui... Hostie, qui... Eux autres... Tu sais, mettons, moi, je vais dire que l'UQAM, c'est... Je considère que c'est ma maison encore. Mais il y a des gens qui sont juste pas capables de quitter comme l'esprit... Tu sais, qui sont pas capables de... Fait que, tu sais, il y a de ces gars-là qui organisent les parties à l'ESG. Puis là, c'est des super gros parties. Puis là, ils sont genre... C'est ma gang de party! C'est quoi la toune, là, dans Mixmania 1, là? C'est mes chums de gars. Non, c'est quoi, déjà? En tout cas, bref. On fait le party. Puis là, ils arrivent comme 5 ans plus tard. Ça fait 5 ans qu'ils ont leur diplôme. Puis là, ils sont encore... mettons que tu vas les checker sur Facebook, c'est encore... On fait le party! On fait le party, moi j'organise un party à l'UQAM, tu sais, quand je parle d'organiser un party, c'est encore avec des, tu sais, en lien avec l'UQAM, en tout cas, bref. Ouais. Fait que là, j'ai travaillé en pub, un peu. Après ça, j'ai travaillé dans un studio de jeux vidéo, Gameloft, qui fait des jeux mobiles. Puis eux autres, comment ils se sont fait connaître, puis ça, je veux dire, tout le monde le sait, là, c'est pas genre. C'est pas quelque chose de connu juste dans le. À l'interne, là, je veux dire, tout le monde qui. Tu sais, mettons, ceux qui connaissent les jeux vidéo, là, qui vont sur des forums, qui vont sur des sites de jeux vidéo, ils le savent. Gameloft a fait son nom en copiant comme des concepts qui existaient déjà, de jeux populaires, qui étaient populaires sur console, sur ordinateur, puis ils faisaient des versions comme mobile, avec un autre nom, tu sais. Fait qu'ils ont fait leur plus grand succès comme ça, en tout cas. Fait que, mais là, je suis pas resté longtemps, puis là, en ce moment, je suis en train de me chercher une job. Fait que, en gros, c'est ça, vous allez, tu sais, si je fais d'autres... podcast, ben je vais faire d'autres podcasts, mais je vais sûrement comme parler de moi de temps en temps de même. Mais pour aujourd'hui, ça va être ça parce que je commence à être tanné de parler de moi. Fac! Oh yes! De quoi on va parler aujourd'hui? De quoi on va parler aujourd'hui? Ouais, il y avait un de mes sujets, mais là, j'en ai parlé pas mal. Je voulais te parler des podcasts au Québec. Mais plus j'y pense, plus je me dis que c'est pas un bon sujet parce que je connais presque rien là-dedans. Faut dire, il n'y a pas grand-chose à savoir. C'est peut-être ça le problème aussi. Moi, je sais qu'il y a il y a des podcasts qui commencent à être populaires, là. Il y en a un... entre autres, qui s'appelle Trois Bières, qui est comme assez populaire, à ce que j'ai compris, en tout cas. J'en ai écouté quelques-uns, c'est pas pire. Ils sont comme autour d'une table, puis il y a comme des questions, puis en tout cas, je vous conseille d'aller écouter ça, c'est quand même pas pire. Trois Bières. Ensuite, il y a celui de Mike Ward, que j'ai déjà parlé. Puis aussi, il y en a d'autres, là, comme il y en a un autre. Il y en a un que je savais même pas que ça existait, puis il paraît que ça fait comme 10 ans que ça existe, là, je sais pas trop. C'est quoi déjà? Ça parle de BD puis de culture populaire, là, ce qui est un sujet quand même intéressant, je pense. De là à faire 10 ans là-dessus, je sais pas. Mais tu sais, j'imagine qu'à chaque semaine, il y a de quoi de nouveau qui sort, fait qu'ils ont de quoi à parler. Et qui parle de BD, puis de trailer de films, puis de machin, puis de trucs, puis de. Est-ce que Batman est plus fort que Goku dans Dragon Ball puis des affaires loin? En tout cas. Fait que, ça s'appelle Les Mystérieux Étonnants, je pense. Je pense. Il me semble. tout cas, vous pourrez aller voir ça aussi. Mais de façon générale, je te dirais qu'au Québec, les podcasts sont vraiment pas populaires. Puis on dirait que c'est... je sais pas trop si c'est dû à quoi. Peut-être le côté francophone. Ben déjà, il y a pas assez de monde au Québec, là. Puis notre accent s'exporte pas très bien. Mais sinon, je pense que il y a l'aspect, le côté, tu sais, ça demande un effort supplémentaire. Écouter un podcast, c'est quand même engageant. Faut que tu t'engages dans quelque chose. Il faut que tu télécharges le fichier, que tu le mettes sur ton appareil. Puis qu'après ça, tu te dises, bon là, je vais écouter la même personne parler ou les mêmes personnes parler pendant genre une heure ou même deux des fois. Tu te dis, ça me tente-tu vraiment de faire ça? Je sais pas. Fait que ouais, je pense que c'est ça qui doit rebuter les gens, j'imagine. Mais c'est dommage parce que honnêtement, j'ai commencé à écouter... Sur YouTube, il y a une série qui s'appelle Good Mythical Morning. Puis là, ils ont arrêté, mais ils faisaient un podcast aussi qui s'appelait Ear Biscuits. Puis j'avais commencé à écouter ça, je trouvais ça intéressant. Puis après ça, je suis tombé sur d'autres podcasts, genre les gros aux États-Unis, là, genre Joe Rogan. Puis il y a un humoriste américain qui en fait un aussi, qui s'appelle Bill Burr, que lui, il fait lundi, un podcast à chaque jeudi. À chaque lundi, je suis pas super fidèle à son podcast, mais en tout cas, aux États-Unis, il y en a des milliers, là, des gens qui font des podcasts, puis il y en a un autre qui s'appelle OP, et je m'en rappelle plus quoi, là, espèce d'équivalent de Radio X, là. Mais en format podcast. En tout cas. Puis ouais, puis je pense que c'est ça le. Parce que tu sais, il y en a des gens qui vont écouter, mettons, le podcast de La soirée est encore jeune, je pense, qui ont un format podcast. Là. Mais tu sais, c'est juste une émission de radio qui met en fichier MP3. Tu sais, pour moi, c'est pas ça un podcast. T'sais, c'est pas une émission de radio. C'est pas. Tu sais, une émission de radio, faut tout le temps que. Tout est comme prévu à la seconde. C'est comme tac, tac, tac. OK, on passe en musique. Nanana, blablabla. OK, on a un script d'écrit. On passe ça. Nanana. Budget de production. Il y a de la pub. Blablabla. C'est pas ça pour moi un podcast. Hein. Un podcast, c'est vraiment... C'est une plateforme... ben... Tu sais, c'est une des... Mettons, dans la vie, il y a très peu de plateformes qui permettent d'exprimer des opinions de manière libre, totalement libre. Je te dirais que le podcast, c'est une de ceux-là, une des rares. Puis tu sais, c'est pas en ayant comme de la pub à chaque deux minutes, puis des engagements envers différents partis que tu peux considérer comme étant une plateforme de plateforme libre, une plateforme de communication, de liberté d'expression, en tout cas, bref. Dis que ça comme tu veux. Mais, ouais, fait que le podcast au Québec, j'aimerais ça, de la même manière que Mike Ward, j'en ai parlé tantôt, que Mike Ward le disait, j'aimerais ça que le podcast pogne au Québec pour que les idées commencent à se répandre comme ça. Puis, ouais. Parce que là, tu sais, mettons, on parle souvent... les médias sociaux, là, là, là, c'est la nouvelle affaire, puis nanana. C'est putain la nouvelle affaire, que ce soit dit ça en passant. Puis, mais tu sais, c'est rendu de plus en plus... les médias sociaux, en fait, pas de plus en plus, là, sont complètement dedans. Mettons, les médias sociaux sont vraiment envahis par les marques puis la pub. Puis ça commence à m'énerver en esti. Puis je pense que je suis pas le seul, là. D'ailleurs, c'est mon prochain sujet. Tiens, on va passer au prochain sujet. Je suis déjà à 30 minutes, esti. L'avenir des médias sociaux. Puis, tu sais, mettons, aujourd'hui, les médias sociaux, c'est un peu comme Sears dans le temps. J'ai un prof qui disait ça à un moment donné, qui disait, tu sais, mettons, Walmart, on a l'impression que on a l'impression que Walmart ne disparaîtra jamais. Mais, tu sais, mettons, dans le temps, l'équivalent de Walmart, c'était Sears. Puis, tu sais, Sears aujourd'hui, c'est une joke, là. On pourrait jamais croire que Sears, c'était une espèce d'empire. Mais, tu sais, Sears avant, c'était un peu l'équivalent de Walmart. T'sais, on avait l'impression que jamais ça pourrait être. Que jamais ça pourrait être. Ça pourrait disparaître, tu sais. Tandis que là, on pourrait très bien l'imaginer, Sears en train de disparaître. Puis j'ai l'impression que les médias sociaux, c'est un peu le. En ce moment, on est encore dans le hype. Tu sais, les médias sociaux sont là pour rester. Probablement qu'ils sont là pour rester. Mais dans le même format qu'actuellement, j'en doute. Honnêtement, il y a ben trop. On se fait envahir par la pub, déjà. Ça, c'est le premier point. Mais en plus de ça, je pense que on oublie souvent le pouvoir qu'a l'humain de se tanner des affaires. Mettons, moi, je suis un expert là-dedans. Mettons, les affaires que je fais moi-même, je me tanne après 3 mois. Fait que, tu sais. Mettons, m'écouter dans mon propre podcast. Esti, après 1 mois, je serais comme, t'as fermé ta calisse de grande gueule, toi, calisse. Puis, c'est ça, j'arrêterais de m'écouter après 1 mois. Fait que, tu sais, ben pour dire. Fait que, tu sais, mettons, les médias sociaux, en ce moment, ce qui me tanne, c'est toute cette esti de. Ben, tu sais, c'est un peu cliché de dire ça, là. Mais, tu sais, c'est quand même vrai, là. Je veux dire, tout le côté de s'auto-promouvoir, comme je suis en train de faire en ce moment. Tu sais, j'embarque là-dedans aussi, mais justement, le podcast, ça me permet de mettre ça sous un autre format, là, de faire ça un peu différemment, puis, tu sais, de pas restreindre. Ma capacité de communiquer avec les gens juste avec un esti de statut ou bien une crise de vidéo ou bien une photo d'Instagram. Esti, Instagram, c'est la pire affaire. Esti que ça m'énerve, Instagram. Les esti de chicas là, qui se posent en train de. Puis le pire là-dedans, c'est que les. Ben, là, c'est surtout la gente féminine, là. On se le cachera pas, là. Instagram, c'est. Tu sais, des esties folles qui sont là, qui broyent le soir dans leur lit, puis parce que si leur vie, c'est juste de se prendre en photo sur Instagram. Puis là, après ça, il y a ceux qui ont 50 000 followers, puis là, sur ces 50 000 followers-là, il y a comme 49 000 que c'est des filles qui font juste les jalouser, puis qui font juste genre. Pourquoi elle a cette vie-là, puis moi j'ai pas cette vie-là, puis eux autres aussi ils broient dans leur lit. Fait que là, ça fait une génération complète de filles de 20 ans qui broient dans leur lit. Puis après ça, on va me dire que c'est bon cette affaire-là. Hein, oui. C'est pas bon pantoute. Instagram, c'est le diable. Suppôt de Satan! Instagram, là, ça a été fait par des suppôts de Satan. Les Instagram, là, ceux qui ont fait Instagram, je les attends. Esti, moi, je leur enfonce un balai dans la gueule jusqu'à temps qu'ils leur sortent par le cul. C'est ça que je fais. Puis ça a été acheté par Facebook, hein. Fait que Facebook, c'est toute la même gang. Mark Zuckerberg, esti, l'Internet libre, mon cul. Bon. Qu'est-ce que je dis? Hey, je me perds souvent dans mes élans de. Bon, ouais, je parlais d'Instagram puis médias sociaux. Sais, médias sociaux. Moi, en ce moment, j'en ai plein le cul. Puis probablement qu'il y a des gens de, t'sais, de ma génération, ça va leur prendre encore quoi, genre 10 ans avant que. Avant de tanner des médias sociaux, peut-être même plus, c'est-tu 20 ans, je sais pas. Hein. En tout cas, au moins, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ces gens-là, ou mettons les gens qui ont 20 ans en ce moment-là, tu sais, qui sont tous sur Instagram puis sur Snapchat, là. Ces gens-là, c'ti, ils vont avoir des enfants maintenant. Puis, ces enfants-là, les enfants de ces gens-là, des gens qui ont aujourd'hui à peu près, tu sais, entre, mettons, 15 et 20 ans, on va dire. Fait que, en fait, il y a deux choix. Soit les gens qui ont 15-20 ans aujourd'hui, rendus à 30-40 ans, ils vont trouver ça vraiment loser, tout ce qui est, tout ce qui se rapporte aux médias sociaux puis ces affaires-là. Ça, c'est le premier choix. Je leur souhaite que ça soit ça. Mais si c'est pas ça, ça va être les enfants de ces gens-là, si la race humaine existe encore à ce moment-là. S'il n'est pas envahi par le Waterworld, puis Kevin Costner avec des branchies. Donc, les enfants de ces gens-là, eux autres, ils vont nécessairement trouver ça calissement loser. Genre de se prendre en photo avec des selfies, puis whatnot. Tu sais, autant les gens de mon âge. T'sais, on va dire, les hosties de baby boomers, cheveux blancs, câlisses, ils veulent qu'on leur paye leur retraite, hosties. Il faudrait que je prenne mon accent de Québec. Après, je dis genre, non, je suis pas capable. Je suis pas capable, hosties. Même quand j'essaie d'avoir la cave, je suis pas capable. Ouais. Mais autant les jeunes de notre âge, t'sais, on peut se plaindre sur des choses que des gens plus vieux t'sais, ont faites ou ce qui qualifie une génération différente de la nôtre. Autant les enfants des millennials. Ça, c'est une autre affaire, les millennials, hein? Il y a pas si longtemps, en tout cas, moi, on me dit millennial, je me dis, Chris, des gens qui sont nés au nouveau millénaire, t'sais, les gens nés en 2000 et après, donc les gens de 16 ans et moins. Puis là, tout d'un coup, on décide, non, non, les millennials, c'est aussi les gens de 30 ans. Ben là, t'sais, non, marche pas. Moi, millennial, je pense pas. Je pourrais. Est-ce que tu qualifierais vraiment quelqu'un de millennials, quelqu'un qui a connu l'Internet par téléphone, qu'on ne pouvait pas parler au téléphone si on était sur Internet en même temps? Je ne crois pas. En tout cas, puis aussi les gens qui ont connu, qui ont grandi sans Internet, t'appellerais ça vraiment des millennials, toi? Non. Bref. Fait que c'est ça, hein? C'est ça l'affaire. Si. Médias sociaux. Médias sociaux. Hey, j'ai fait. Je suis rendu à combien de temps? J'ai fait une expérience sur Facebook parlant de médias sociaux. M'aller sur mon téléphone, puis m'aller checker ça. En fait, je l'ai déjà checké, mais je vais juste retrouver les. Ouais, fait que j'ai dit. En fait, je vais lire le texte, ça va être moins compliqué. Fait que j'ai écrit un statut sur Facebook. J'ai écrit Yo, la plèbe, je fais un projet de recherche-création et j'ai besoin de ton aide. J'aimerais qu'en commentaire à ce statut, tu écrives en un mot, une phrase ou un paragraphe ce qui te sied le plus, ce qui me décrit le mieux de ton point de vue, et ce, même si tu ne me connais pas, peu ou pas. Dans le meilleur blabla, ça, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Là, j'ai fini ça en disant c'est un genre de social experiment. Puis j'ai fini ça en disant merci bien, toi, chose. Fait que le but, c'était ça, d'écrire de quoi qui me décrit en commentaire à ce statut-là. Puis là, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 réponses. Puis là, je me disais, ah, je pourrais prolonger ça, leur publier pour avoir plus de réponses, mais pff, de la merde. Là. Je vais en parler maintenant, comme ça va être fait. Là, je voulais voir ce que le monde allait écrire. Puis l'analyser, tu sais. Puis c'est ça que je vais faire. Fait que la première chose que je remarque, en fait, il y a trois aspects principaux que j'ai remarqués en lisant ça. La première, c'est que j'avais léché. J'avais léché à craque de fesses. Non. J'avais laissé le choix entre écrire soit un mot, soit une phrase ou un paragraphe. Puis tout le monde, ou presque, a choisi un mot. Il y a, sur les 10, il y en a un qui a écrit deux mots, puis un qui a écrit quatre mots. Toutes les autres ont écrit un mot. Fait que déjà, ça, c'est... Hein, ça en dit beaucoup sur le temps que... sur le temps que les gens ont à m'accorder. Merci, les gens. Sur les comme 300 amis, je suis pas genre, je suis pas une superstar, là. J'ai pas genre 5000 amis. Puis amis, c'est un grand mot. Mettons 5000 contacts Facebook. Non, j'en ai juste 300, à peu près. Sur les 300, il y en a 10 qui ont répondu. Donc, genre 0,3%. Puis, sur ce 0,3%-là, c'est ça 0,3%? 10 fois 10, 100 fois 3. Ouais, en tout cas. Ouais. Sur les 10, il y en a 8 qui ont juste écrit un mot. Ok, merci. Ça fait un total de 10, tout dépendant combien de temps ils ont réfléchi. Là. Fait, mettons qu'ils ont réfléchi un gros 5 secondes. Là. Ça fait un gros 50 secondes sur une possibilité de genre 6 heures de réflexion. J'ai juste eu 50 secondes. Merci. Puis, ouais. Fait que ça, c'est la première chose que j'ai remarquée. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que... C'est quoi, donc? La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que... la plupart des gens ont comme... Parce que je les connais, les gens qui ont écrit... Ben, je les connais. Je les connais au même niveau que eux me connaissent. Mais j'ai remarqué que... J'en apprenais pas mal plus sur eux que eux en apprenaient sur moi. Puis je vais vous avouer que c'est un peu le but de la patente, là. Je veux dire, je me connais pas mal plus que ces gens-là me connaissent. Fait que j'en apprends pas mal plus sur eux que sur moi. Ça, c'est la deuxième chose. Mettons, il y en a un ici qui écrit « intellectuel ». Marc Rowe. Je vais toutes les nommer, tain. Ça va être drôle. Il y en a juste 10. C'est pas comme si c'était... Marc Rowe. Un gentil jeune homme que j'ai connu à Amos. Il me dit intellectuel. Puis lui, c'est genre un éternel étudiant. Fait que tu sais, intellectuel. La question que je me pose, c'est-tu parce que tu veux être un intellectuel, Marc Rowe, ou parce que tu es un intellectuel? Moi, je pense que c'est un but à atteindre, genre. Fait que je suis comme ton but. Je suis comme ton idéal intellectuel. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Je suis sûr, c'est ça. Ensuite, il y a Benoît Charland qui m'écrit belle coupe de cheveux. Là, ça c'est drôle, tu sais, parce que j'ai pas de cheveux. Puis qu'en plus, lui non plus, il a pas de cheveux. Fait que c'est comme un inside entre nous deux, genre. Ouais. Fait que tu sais, dans le fond, ce que moi je me dis, c'est que Benoît Charland, il a encore un gros complexe par rapport à sa non-présence de cheveux. Réfléchis à ça, Benoît Charland. Ensuite, il y a Roula Asmar, que j'ai connu en travaillant dans une agence de pub, qui me dit discret. Ce qui est plutôt amusant parce que, honnêtement, je pense que tu posais la question à plein de gens, je suis pas mal sûr qu'ils diraient la même chose de toi. Fait que, je sais pas. Fait que, tu me trouves discret venant de la d'une personne discrète, ça veut dire si je suis discret en tabarnak. Mais ça, c'est drôle parce que juste après, il y a Caro Lachapelle que j'ai connu en étudiant. Ouais, j'ai pas parlé de ça, j'ai étudié en jeux vidéo, moi. Ouais, j'ai fait un an intensif d'études en création, en design de jeux vidéo. J'en parlerai une autre fois, là. Bref. Fait que, autant Roula Asmar me dit que je suis discret, Caro Lachapelle, elle, dit de moi que je suis volubile. Drôle, hein? Drôle la vie. C'est un autre constat que j'ai fait, ça. C'est. Mettons. T'sais, intellectuel. Puis une autre personne a dit que je suis excentrique. Rémi Mallette me dit que je suis excentrique. Rémi Mallette, qui est genre une des personnes les plus loud que j'ai connues toute ma vie. Il y a genre ma hauteur, c'est-à-dire plus que 6 pieds. Il doit peser, je sais pas, il doit peser proche 300 livres. Avec une hostie de voix là, qui est là. Ho, ho! Qui vient d'être papa, ça vient pas juste d'arriver, ça doit faire un an ou deux. Mais ouais, vient d'être papa d'ailleurs. Je salue son fils. Mais ouais, Rémi Mallette qui m'écrit que je suis excentrique, venant de la personne la plus. Une des personnes les plus lourdes que j'ai connues. Merci. Fait que je suis discret, puis excentrique, puis volubile, puis intellectuel. Ensuite, il y a l'esti de. Ça, il faut que je passe plus de temps là-dessus. Là. Mathieu La Rochelle, l'esti, qui m'écrit Exilé. Ça, vous l'aurez deviné, c'est un gars d'Amos. Là, Mathieu La Rochelle, là, je sais que tu vas écouter ça. Là. Fait qu'écoute-moi bien. Exilé. Là, va falloir, esti, que t'en reviennes de ça. Oui, je suis parti, esti, puis je suis bien content. À cause des gens comme toi, tabarnak. Esti, il vient me dire sur mon mur que je suis exilé. Exilé quoi? Exilé intellectuel? Ça, t'es-tu en train de me dire que je te manque, là? C'est ça? La région, parce que lui, c'est un grand défenseur de la région d'Abitibi-Témiscamingue. Ce qui est une bonne cause, là. Je vais pas tout lui enlever. Mais c'est quoi? Tu vas me dire que la région me manque? Qu'il y a des gens comme moi, ils devraient en avoir plus. C'est ça que tu vas dire? Ouais. En tout cas, si tu dis ça, merci beaucoup. Merci bien. Mais, maintenant, il faut que tu en reviennes. Ce gars-là, maintenant, il y a eu des espèces de retrouvailles. Pas les 10 ans, là. Les 10 ans, c'était genre la semaine passée. La semaine. L'année passée. Ou l'autre année d'avant. En tout cas, bref, je suis pas allé. Mais. Il y avait eu une espèce de retrouvaille, semi-retrouvaille. Ça, c'est une espèce d'affaire, c'est une espèce de party qui se passe à Sherbrooke à chaque année, ou je sais pas quoi, là. Quelque chose de même, là. En tout cas, fait que. J'étais allé. Puis. Honnêtement, tu sais, rien m'obligeait à y aller, là. Comme. Genre, j'étais allé tout seul, là. J'ai pris le bus, puis j'étais allé. Puis j'ai prévenu personne que j'allais être là. J'étais arrivé là comme une surprise. Puis la majorité des... Esti, la majorité... J'ai eu quelques bons retours, là. S'il y a des gens qui ont fait comme « Oh shit! Hugo, qu'est-ce que tu fais là? C'est bien hot! » Mais ça, il y en a genre deux, là. Puis les autres, ça a été des espèces de regards louches, du genre, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu sais, qu'ils viennent pas me parler, mais c'est comme, hey, qu'est-ce qu'il fait là, Steve? Je suis comme allé chier, Carlis. Mais Mathieu Larochelle, j'ai dit allô, tu sais. Parce que, il me semble, tu vas être poli, ça que tu fais, allô. Là, lui, la meilleure chose qu'il trouve à me dire, Mathieu Larochelle, écoute-moi bien. En plus, je suis sûr que tu s'en souviens pas. Là. Mathieu Larochelle, pour ceux qui le connaissent pas, tu sais, c'est le genre petit fin finaud, là. Le petit cool. Là. Le petit cool, avec un secondaire, il mesure 5 pieds 2. Puis, comme il mesure 5 pieds 2, 5 pieds 2, il essaye de, tu sais, il essaye de compenser à quelque part d'autre, là. Puis c'est le petit cool, tu sais, qui est ami avec tout le monde, là. Tu sais, genre, qui fait de l'impro, là, gossant, là. Ouais. Ça, c'est Mathieu Larochelle, ça. Fait que là, c'était Mathieu Larochelle, là, le petit cool. Tout le monde est ami avec. D'ailleurs, je vais sûrement pas me faire des amis en disant ça. Ben, tu sais, je suppose que la plupart des gens l'apprécient. Moi, je t'aime pas, Mathieu Larochelle. Tu m'énerves. Puis... Puis, il me dit donc à ce party-là à Sherbrooke, 5 ans après que je sois parti, donc 5 ans après le bal de finissant, il me dit, et après je lui ai dit allô, genre, je me rappelle plus si j'ai employé ce mot-là, mais c'était dans cet ordre-là. Il me dit, pas venu au bal, toi. Je suis comme, calisse. Ça fait 5 ans, esti. Puis à allô, tu me dis, t'es pas venu au bal. Décroche, esti. Bon, c'était mon message à Mathieu Larochelle. Ensuite de ça, donc Rémi, j'en ai parlé. Marc-André Camiran Simard, un autre gars d'Amos, qui me dit créatif. Ça, c'est drôle parce que ce que je me rappelle de Marc-André Camiran Simard, c'est une personne comme quand même drôle. Puis, pour une raison qui m'échappe, il a viré. Ben, c'est pas mauvais, là, mais je veux dire. En tout cas, ce que je vois de lui sur Facebook, on va aller voir direct là. Ouais, planificateur financier à mieux planifier. Ça, c'est le nom de la compagnie, mieux planifier. Business Administration à l'Université Laval. Moi, ce que je me rappelle de toi, Marc-André Camiran Simard, c'est que tu étais quand même funny. Quand même, funny, funny. Là, tu te ramasses planificateur financier. C'est correct. Tu fais plus d'argent que moi. Fait que t'as bien beau. Mais que tu m'écrives, parce que c'est ça le point, tu m'écris créatif. Créatif. C'est-tu parce que, comme Marc Rowe, qui me disait que je suis intellectuel, créatif, je suis-tu ton idéal créatif? T'aimerais-tu ça être comme moi? Écris-moi ça en commentaire. Sous rien, là, je veux dire. Écris-moi ça sous mon wall. Pourquoi je suis son idéal créatif? Peut-être pas ton idéal, mais mettons, t'aimerais-tu être plus créatif? Ou tu te considères créatif toi-même? Ensuite, il y a mon oncle qui m'a dit que j'étais original. Ouais. C'est drôle. Ce qu'il y a de drôle là-dedans, c'est que. Je le suis pas vraiment, honnêtement. D'un certain point de vue, peut-être, là, mais comme. Je pourrais, mettons, d'un point de vue intellectuel, je pense que je suis comme relativement original. J'ai des réflexions que beaucoup de gens n'ont pas, je pense. Mais de là à dire que je suis original, je sais pas. Fait que c'est peut-être toi, mon petit Régent, qui aspire à devenir plus original. Ouais. Ensuite, il y a Christian O'Brien, un collègue, un ancien collègue de travail, aussi en pub, qui me dit que je suis minutieusement décalé. Minutieusement décalé. Ça, c'est clairement une qualité qu'on recherche en pub. Fait que tu essaies de me flatter, là. Qu'est-ce que tu essaies de faire, là? Je sais pas trop. En tout cas, minutieusement décalé. T'sais, en pub, c'est ça, là. C'est ça que tu veux faire, là. Tu vas être décalé, mais pas trop, pour pas fâcher les gens. Pour que la marque soit contente. La marque, je veux dire, ton client. Ton client soit content. Toutes ces merdes-là, là. Et ensuite, il y a Annie. Carambole au vent. Esti. Carambole au vent. Je viens te dire ton secret à tout le monde sur un podcast. Ton vrai nom, c'est Annie. Oh shit! Qui m'écrit calme. Calme. Ouais. Ça aussi, je pense qu'il y a un petit côté wannabe. Genre, tu veux être. Je suis genre ton idéal de calmitude. Je sais pas trop. Bref. Fait que, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de. Les gens aspirent à des choses qu'ils voient dans des gens. Puis, ils s'imaginent. Ils veulent être. Mais je dis pas que les gens veulent être comme moi, là, mais je veux dire, ils se créent une espèce de barème, là, par rapport à moi. Là. Je sais pas trop. Ben, par rapport, je dis par rapport à moi, pas à moi spécifiquement, là, mais par rapport aux gens en général. On se forme des barèmes par rapport aux gens qui nous entourent. Fait que tu te dis, lui, il est intelligent, fait que je veux être au moins aussi intelligent que lui. Puis elle est stupide. Je viens de faire la plus grosse hostie. Sexiste au bout. Le gars est intelligent, puis la fille est stupide. En tout cas. Ouais, les filles, vous êtes toutes des crises de merde stupides. Ça, je veux dire. OK! Fait que, ouais, c'était ça, mon expérience Facebook. Fait que là, il me reste genre 3 minutes, là. Hey, je te dis, ça a passé vite. Ça a-tu bien été ton... Ça a-tu bien été ton... hein? Ton affaire? Ton trajet en bus, ton trajet dans le métro, ça a-tu bien été? T'es-tu rendu à job, là? À ce petit job de merde, hein? Câlisse. Si je pouvais hein, gagner à l'auto, ma vie serait bien différente. Fait quoi, je vais faire ça rapidement, là, mais je vais quand même prendre le temps, là. C'est pas grave si je fais 1h10 au lieu d'une heure. Mais je voulais vous parler de ce que j'ai écouté cette semaine. Ce que j'ai. Ouais. Dans ce cas-là, c'est plus vu qu'écouté. Mais écouté aussi, en tout cas. Fait que, trois choses. En fait, quatre choses. Premièrement, je vais commencer par ça parce que je viens de parler des réseaux sociaux, puis de Facebook, puis de machin truc. Un clip sur YouTube. Un clip musical fait par un certain Hiérophante. Je vais vous l'appeler. H-I-E accent aigu R-O, Hiéro, H-I-E accent aigu R-O, P-H-A-N-T-E, Hiérophante, fente, pas comme une fente de le vagin, plus une fente, fente, P-H-A-N-T-E, Hiérophante. Un clip qui, la dernière fois que j'ai regardé, c'était aujourd'hui. Il était à 300 000 vues. Puis il vient juste de sortir. Là. La première fois que je l'ai écouté, ça fait peut-être une semaine. Là, quelqu'un sur mon Facebook avait posté ça. Puis le titre du clip, c'est Cliché avec un S. Cliché avec un S. Puis super, le titre est très, très bien choisi d'ailleurs. Parce que, en fait, ce qui est surtout intéressant, la musique est bonne, c'est genre électro, truc. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ce qu'il a fait comme clip. Il a pris des images d'Instagram, le style d'Instagram à marbre, puis il a mis en exergue à quel point c'était de la marbre, justement. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle cliché, tu sais, cliché, photo, cliché, cliché. Donc Instagram. Instagram aurait dû s'appeler cliché. Puis dans le fond, il met à la suite des autres différentes photos qui ont été prises sur Instagram sous différents hashtags. Puis là, si vous ne comprenez pas le concept d'hashtag, pas moi qui va vous expliquer ça maintenant, là, allez sur Google. Tapez hashtag, je sais pas quoi, définition. Bref. Puis, c'est une suite d'images sous différents hashtags. Puis on voit à quel point, comme les photos se ressemblent toutes, sont comme toutes pareilles. Puis ils ont toutes une espèce de petites saveurs comme personnelles, mais quand tu les mets bout à bout, tu sais, tu te rends compte que tout le monde fait toute la même affaire. Tout le monde est tout pareil, tout le monde essaye de. Tout le monde est cliché, dans le fond, là. Puis, super bien fait. Regardez ça. Hiérophante, cliché. Ça, c'est la première chose. Un bel objet de réflexion sur notre mode de vie contemporain. Ensuite de ça, j'ai écouté Holy Motors. Motors. Holy Motors. Qui est un film. Je suis tombé sur une liste sur Internet qui a été faite par. Je me rappelle plus qui. Je me rappelle plus quel site. Mais c'était-tu BuzzFeed? En tout cas. Une liste. Non, c'était pas BuzzFeed, mais en tout cas, c'était une liste dans le genre-là. C'était les comme 20 ou je sais pas trop combien films les plus controversés de 2015, je pense. Ouais. Puis là-dedans, ou peut-être pas 2015, là, mais en tout cas. Bref, une liste avec des films controversés. Puis dans les films qui étaient sélectionnés, il y en avait plusieurs que j'avais vus puis que j'avais aimés. Mais que je voyais, tu sais, pourquoi ils pouvaient être. Je pense à Only God Forgives, d'ailleurs. Qui était dans la liste. Puis, tu sais, moi, je l'avais vraiment bien aimé. Mais je pourrais comprendre qu'on ne l'ait pas aimé. Tu sais, c'était un film très lent, très, très visuel, mais tu sais, avec des sujets quand même trash. Tu sais, il y a une espèce d'ambiance. Ben, c'est très violent déjà. Puis, c'est très lent. Puis, il y a très peu de dialogue. C'est beaucoup dans l'ambiance. Il y a une espèce de. Il y a une espèce de. À un moment donné, il y a une. C'est comme malaisant à beaucoup d'endroits. Il y a comme une. Il y a un personnage, c'est la mère, puis là, le fils, puis ils ont une espèce de relation comme bizarre, un peu à la fois conflictuelle, mais en même temps très comme incestueuse, en tout cas. Fait que. Mais tu sais, je l'avais bien aimé. Fait que Holy Motors, il était dans cette liste-là. Puis là, j'étais allé regarder la bande-annonce, puis je trouvais que c'est. En fait, je savais pas quoi en penser. Ça avait l'air fucké, mais je savais pas à quel point, puis je savais pas si c'était fucké bon ou fucké mauvais. Je savais pas quoi en penser, fait que je me suis dit, la seule façon de savoir quoi en penser, c'est d'aller l'écouter. Fait que j'ai écouté ça. Hostie de film de merde de Callis. Hostie que c'était de la merde. Je pense que c'est mon pire film de 2015. Sérieux, là. Comme. Il y avait rien de bon. Honnêtement, là, c'était de la prétention comme exposant 10. Une espèce de film, je fais de l'art, je suis un artiste mal compris, puis je fais ce que je veux. C'est comme, c'est bien, là, mais comme, mané, maîtrise tes affaires. Là. Puis arrête d'être prétentieux, s'il te plaît, esti. C'est l'histoire d'un. C'est l'histoire d'un gars, d'un monsieur dans sa limousine, que. En fait, le film, on le suit pendant une journée. Puis dans cette journée-là, il y a comme son assistante qui est aussi sa chauffeur, chauffeuse, chauffeur, bref, de limousine, qui lui donne des rendez-vous. Qui lui dit, ah, votre prochain rendez-vous est dans 12 minutes à tel endroit. Puis là, le dude qui s'appelle Monsieur Oscar, le personnage, Monsieur Oscar se déguise, mais genre à fond, comme il devient un autre personnage, entre guillemets. Puis, il devient un autre personnage, puis là, il joue comme à 100% ce personnage-là. Puis là, l'espèce de morale de ce film-là, c'est que, tu sais, je l'ai compris, là. Juste pour dire à quel point c'était poche, là, il y a à peu près 20-25 minutes du film que j'ai passé en fast-forward, là, parce que j'en avais plein de cul. Mais, tu sais, l'espèce de morale de... Tu sais, l'important, c'est pas... L'important, c'est pas comme ta vie, mais comment tu la vis. Puis, les gens, ils peuvent te voir de la façon qu'ils veulent, mais l'important, c'est comment tu le joues, puis comment tu le vis, puis tu sais, tu peux faire, dans la vie, tu peux faire ce que tu veux, blablabla, puis nanana. Tu sais, il n'en tient qu'à toi, dans le fond, là, puis le regard des autres n'est pas important, puis nanana, blablabla. Sauf que là, c'était crissement sans queue ni tête, puis la dernière scène du film, c'est. Il y a genre. Parce que là, il y a comme 11 ou 12 personnages, là, je sais pas trop, 11, je pense. Fait que là, à la fin, il y a comme 11 limousines, 11 ou 12 limousines qui arrivent, puis qui se parquent dans une espèce de. Qui se stationnent dans une espèce de. Pas d'entrepôt, mais de. Ce qu'on va dire, un entrepôt, là. Un entrepôt qui rentre tout, là. Puis là, les lumières dans l'entrepôt, ils s'éteignent. Puis là, les limousines commencent à parler ensemble. Mais. En tout cas. Je vais pas élaborer plus là parce que c'était carrément de la merde là. Mais en tout cas, Holy Motors. Puis à la fin, au générique, je pense que c'était la pire affaire. Générique là, je vous ai dit que le personnage principal qui s'appelait Monsieur Oscar, il se déguisait en comme 11 personnages. Fait que là, au générique, au lieu de dire tel acteur a joué comme Monsieur Oscar, puis là de nous-mêmes, tu sais, on comprend que Monsieur Oscar c'est aussi les comme 11 autres personnages parce que pendant tout le film ça a toujours été Monsieur Oscar, c'est juste qu'il prenait différentes formes. Mais non, ils se sont sentis obligés de faire 11 fois le nom de l'acteur. Dans le fond, tu sais, ils ont carrément écrit 1-1-X nom de l'acteur. Donc 11 fois nom de l'acteur avec les 12 personnages ou 11 personnages qu'il a joué. Fait que le Monsieur Oscar le sans-abri, l'avocat, le tueur à gages, parce que asti prétentieux à mal. Fait que là, ça c'est le premier film. Vous pourrez aller le voir si vous voulez, mais je vous y incite pas. Ensuite, deuxième chose que j'ai écouté, c'était Pride, espèce de film anglais recommandé par ma mère, qui a relativement des bons goûts cinématographiques d'habitude, mais pour ce coup-là, assez c'est fourré ben raide. Pride qui raconte l'histoire vraie de jeunes homosexuels dans les années je sais pas quoi 70 ou en Angleterre qui ont décidé de s'associer à des mineurs pour contester des décisions prises par le gouvernement de Margaret Thatcher. En tout cas, le début du film, c'était ça. En tout cas, je sais pas trop comment ça a évolué parce que je l'ai arrêté le film parce que c'était trop plate. Ah, sérieux, là, j'avais l'impression d'écouter Degrassi. C'était le style de musique Kitten. Genre de même. Par-dessus les gens qui parlaient, tu sais, des genres de personnages qui jouent trop, là, à la Ramdam, là. Là, là, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis vraiment fâché! Allons contester! Blablabla! Puis là, c'est comme ta gueule. En tout cas, fait que vraiment pas réussi. Les personnages, pas réussi pantoute. Il y a beaucoup trop de personnages. C'est aussi une affaire. Non seulement ça, mais tous des personnages qu'on s'en crisse. Fait que, ouais. Une espèce de biographie qui tire de tous les bords, tous les côtés. Il n'y avait pas pantoute, il n'y avait aucun angle intéressant. Ben déjà, on n'entendait pas les personnages parler parce que le style de musique était tout le temps là et qu'elle était tout le temps trop forte. En tout cas. Fait que Pride. Puis ensuite, j'ai écouté. Ça, je l'ai écouté hier. J'ai écouté un documentaire qui s'appelle Cartel Land. Cartel Land. La terre des cartels. Quelque chose de même. Fait que c'est un documentaire. Ce que j'ai compris dans le générique qui a été produit par la réalisatrice de Catherine Bigelow. Réalisatrice de. De quoi déjà? De le film sur. Le mineur. Le démineur, là. Hurt Locker. Puis aussi. Son autre film, c'était sur la mission qui a tué Osama Ben Laden. Zero Dark 30. Je pense que c'est ça le nom du film. Bref. Fait que c'est un documentaire qui se passe en majorité au Mexique ou sur les frontières du Mexique. Puis qui parle en gros des villagiantes, des gens qui, des espèces de milices locales là, qui s'improvisent armées. Tu sais, mettons, ils étaient tannés des cartels qui faisaient tout ce qu'ils voulaient, fait qu'ils ont décidé de s'acheter des armes puis d'aller faire le ménage eux-mêmes dans les cartels là, parce que la police venait pas. Fait que en gros, c'est ça. Puis je te dirais que c'est un bon documentaire. Très bon, d'ailleurs. Tu sais, le caméraman s'est retrouvé dans des positions très précaires, genre dans le milieu d'une fusillade. Ben, de plusieurs fusillades, en fait. Tu sais, en tout cas, il s'est mis dans des positions vraiment... Tu peux pas regarder ça puis faire comme ce n'est pas intéressant. Tu sais, c'est intéressant. Le seul truc que j'ai trouvé comme bizarre, c'est... Il y avait des bouts de style, j'étais comme... Voyons, c'est-tu fake, ce film-là? Les fusillades, selon moi, c'est pas fake. Mais il y avait des bouts de style, j'étais comme... Yeah! Tu sais, je sais que les documentaires, c'est supposé... Tu sais, tu présentes un point de vue... c'est ça le but d'un documentaire, là. Contrairement au reportage. Le reportage, ça veut être objectif. Ça, les gens, ils mélangent ça souvent, là. Quelque chose d'objectif, c'est un reportage. Un documentaire, ça te présente un point de vue. En tout cas. Fait que, tu sais, je comprends, c'est ça, l'aspect documentaire, mais maintenant, j'étais comme, est-ce que ça a l'air comme mise en scène, cette affaire-là? Tu sais, mettons, il y avait quelqu'un qui fait un discours, puis là, tu vois que ses lèvres, tu sais, ils suivent le discours, tu sais, les lèvres correspondent à ce qu'il dit, à ce que la personne dit. Puis ensuite, le discours continue, puis il y a, tu sais, la phrase, c'est une même phrase, mais là, il y a un montage, puis là, il y a une caméra à quelque part d'autre. Ben, il y a, la caméra est ailleurs, puis le discours continue en plein milieu de la phrase. Puis là, tu fais, ben là, je veux dire, ce discours-là, il l'a pas fait deux fois, il l'a fait juste une fois. Fait qu'il y a deux caméras. Mais là, tu te rends compte que non, c'est impossible qu'il y ait deux caméras. Jamais tu vois comme plus... Tu vois jamais de caméra, en fait, dans tout le film. Fait que là, tu fais comme impossible. C'est sûr que à ce moment-là, tu sais, j'aurais vu une autre caméra s'il y avait eu deux caméras. Puis là, tu fais comme... Ils ont-tu fait faire répéter son discours deux fois? C'est quoi l'affaire? En tout cas, c'était peut-être... C'est juste une impression, là. Peut-être que j'ai mal comme interprété, peut-être que je dis en plein milieu d'une phrase, mais que dans le fond, c'était deux phrases très distinctes. Parce que les personnages parlaient en espagnol. Fait que c'était pas comme. C'est pas comme si je parlais espagnol. Là. Mais tu sais, il y a des bouts, j'étais comme est-ce que ça a l'air stagé cette affaire-là? En tout cas. Mais toutes les affaires intenses, là. Genre les fusillades et tout ça, ça, c'était clairement pas stagé. Là. Mais en tout cas. Mais je le recommande quand même. Cartel Land. Fait que là, je suis rendu à 1h15. Fait que je pense que je vais arrêter ça là. Fait que bonne journée tout le monde. Je vais refaire ça la semaine prochaine avec d'autres sujets que j'espère super intéressants. Fait que bonne soirée, bonne journée plutôt, ou bonne peu importe. On se retrouve pour un autre podcast en plein milieu. En plein milieu. OK, bye.